إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 21 et on est arrivé au point numéro 5 parmi les points de ce qui annule l'islam d'une personne, نواقض الإسلام. Et le Cheikh il dit, قال الشيخ رحمه الله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. C'est-à-dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a dit, quiconque déteste quelque chose de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené, il est kafir, même s'il applique cette chose. S'il déteste quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené, il est kafir, même s'il applique cette chose. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce principe-là. الشرح قال الشيخ رحمه الله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أي أبطلها فدل على أن بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام وأنه يحبط العمل وذلك من أصول الإيمان وأركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا والمراد بقوله كرهوا ما أنزل الله يشمل القرآن ويشمل السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh il explique donc que ce point-là, parmi les points de ce qui annule l'islam de l'individu, c'est-à-dire que quiconque déteste quelque chose de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a apporté, il est kafir même s'il applique cette chose. La preuve de ça, c'est le verset 9 dans Sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça dit, et cela parce qu'ils ont détesté ce que Allah a fait descendre, et donc Allah a rendu leurs œuvres vaines. Allah a donc rendu leurs œuvres vaines. Et le Cheikh dit, donc cela prouve que quiconque déteste ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est une forme d'apostasie de l'islam. Quelqu'un qui fait ça, il a rejeté l'islam et que ça détruit ses œuvres. نعم, أنه يحبط العمل. وذلك, et ça c'est parce que la foi, elle est basée sur 6 piliers. Hein, les 6 piliers de la foi, vous les connaissez, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination. Donc ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec l'Iman. Et quiconque manque ou diminue dans ces 6 piliers-là, ou enlève quelque chose, ou rejette quelque chose de ces piliers-là, alors il n'a plus la foi, il n'est pas un mu'min, il n'est pas un croyant. Et le Cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire par كَرِهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ, c'est-à-dire qui ont détesté ce qu'Allah a fait descendre ou ce qu'il a révélé, ça comprend le Coran et ça comprend également la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le Coran mais c'est également la sunna. Le Cheikh dit فَالَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى قِسْمَيْنِ, القسم الأول القرآن، وهذا هو الوحي الأول المصدر الأول والمصدر الأول من مصادر الإسلام. والقسم الثاني السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي من الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة هي الوحي الثاني والمصدر الثاني من مصادر الإسلام. Le Cheikh il dit que quand on parle de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle de deux catégories de révélation. La première catégorie de révélation, c'est le Coran. Le Coran, c'est la première catégorie de révélation et c'est la première source ou référence parmi les références islamiques. Et la deuxième catégorie de révélation, c'est la Sunna. La Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une révélation d'Allah également. Hein? La sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est également une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il ne parle pas selon sa passion, c'est uniquement une révélation qui lui est révélée. Ça c'est le verset dans Sourate Al-Najm, le verset 3 et 4. Et il cite aussi le verset 7 dans Sourate Al-Hashr, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et tout ça pour prouver que la sunna, c'est une révélation, hein, c'est la deuxième révélation, et c'est la deuxième source de référence ou de législation dans l'islam. فَمَحَبَّةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَمَحَبَّةُ مَا أَنْزَلَهُ أَعْظَمُ أَنْوَعِ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَحَبَّةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَحَبَّةُ سُنَّتِهِ فَمَحَبَّةُ اللَّهِ ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضيان محبة ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبغض شيء مما جاء عن الله أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي بغض الله جل وعلا أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ردة وكفر بالله عز وجل. لشيخ الذكر يعني parmi les plus grandes formes d'adoration dans l'islam, il y a l'amour d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, puis l'amour de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'aimer Allah et d'aimer, d'avoir de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir de l'amour pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, ça implique qu'on doit aimer tout ce que Allah a transmis et nous a transmis par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça implique également que quiconque déteste quoi que ce soit de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de ce qui vient du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça veut dire qu'il déteste Allah subhanahu wa ta'ala, et ça veut dire qu'il déteste le messager sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une forme d'apostasie et une forme de mécréance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit: فالواجب على المسلم أن يحب ما جاء عن الله من القرآن ويحب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة تبعا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين، فإن كره شيئا من ذلك فهذا دليل على عدم إيمانه. الشيخ يقول que c'est obligatoire pour le musulman d'aimer tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le Coran, qu'il doit aimer le Coran et tout ce qui est dans le Coran. Et il doit aimer ce qui vient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'aimer la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa sunna, ça fait partie de l'amour d'Allah et de son messager. Hein. Donc, le cheikh, il dit tout ça, en réalité, ça fait partie d'aimer cette religion-là en entier. Il faut l'aimer au complet, la religion. Et quiconque déteste quoi que ce soit de cette religion, donc, c'est une preuve qu'il n'a pas de foi, qu'il n'a pas de foi. قوله ولو عمل به أي فإنه لا يكون مؤمنا فإن المنافقين لما كانوا يبغضون الله ورسوله وكانوا يبغضون الوحي المنزل ولا يريدونه، كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا يصدون؟ لأنهم يبغضون الكتاب وإن كانوا يعملون به وإن كانوا يعملون بهما في الظاهر ولكن يبغضون ذلك بقلوبهم وعملهم في الظاهر لا يفيد شيئا لأنه تقية وجنة وإلا فهم في قرارة أنفسهم يبغضون القرآن والسنة ولهذا حكم الله عليهم بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار مع أنهم يعملون في الظاهر بالكتاب والسنة ولكن لما كانوا يبغضون ذلك في قلوبهم صاروا كفارا أشد الكفر وعذابهم أشد العذاب فهم في الدرك الأسفل من النار للشيخ إكسبليك ولو عمل به ça veut dire même si il applique cette chose qu'il déteste dans l'islam il est kafir et qu'est-ce que ça veut dire ça même s'il l'applique ou même s'il le pratique cette chose ça veut dire qu'il n'est pas croyant tant qu'il n'a pas aimé tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala même s'il dit par exemple ou même s'il applique tout mais dans son cœur il déteste l'islam alors il n'est pas croyant en fait c'est un munafiq en fait c'est un munafiq pourquoi parce que C'est exactement la description des hypocrites à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils détestaient Allah et ils détestaient son messager. Hein, et ils détestaient la révélation qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'en voulaient pas. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 61 dans Surah An-Nisa. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce que Allah a fait révéler, hein, et vers le messager, tu vois les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites qui s'éloignent de toi et qui se détournent de toi. Hein. Donc ça c'est pour dire que yani, ces gens-là, ils disaient qu'ils étaient des musulmans, mais ils détestaient la révélation, ils détestaient la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit hier dans l'explication du quatrième naqid, on a dit qu'on doit se soumettre et on doit accepter la loi qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si le verdict d'Allah et de son messager est contre nous. Hein, parce qu'on a expliqué qu'il y en a, quand le verdict est en leur faveur, ils disent oui, ça c'est une bonne religion. Ah, mashallah, l'islam c'est bon. Mais si le verdict est contre eux, et que c'est la charia détermine que ce sont eux les coupables, c'est lui le coupable ou c'est lui le perdant, ils disent ah, j'aime pas cette religion, ah, c'est quoi ce jugement-là. C'est-à-dire, ils rejettent le jugement quand c'est contre lui. Alors ça c'est pas l'attitude du mu'min, hein. Le mu'min doit aimer la révélation et aimer le verdict qui vient d'Allah, que ce soit pour lui ou contre lui. Et les munafiqin, ils détestaient la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et le verdict d'Allah, que c'était contre eux. Hein. Donc c'est ça exactement l'attitude des munafiqin. Il y a des gens par exemple qui disent qu'ils sont musulmans, mais quand on leur apprend que dans l'islam il y a certaines choses qu'ils doivent faire, dans la religion de l'islam, et que eux, ils détestent cette chose-là, eh bien, ils refusent cette chose-là et ils commencent à la détester. Même s'ils se disent musulmans. Parce qu'il y a des choses dans l'islam qu'ils aiment, et il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Hein? Alors ils veulent accepter juste ce qui est en accord avec leur passion. Et qu'est-ce qui est contraire à leur passion, ils veulent le rejeter. Donc le shaykh dit que les munafiqin, ils se détournent de la vérité. Et ils détestent le Coran et ils détestent la Sunna, même s'ils l'appliquent en apparence. Hein, ils montrent en apparence qu'ils appliquent le Coran et la Sunna, mais au fond de leur cœur, ils n'aiment pas le Coran et la Sunna. Donc, le fait d'appliquer en apparence la religion, alors que dans ton cœur tu la détestes, ça n'a aucune utilité en réalité. Le cheikh il dit, les munafiqin, pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils appliquaient la religion en apparence? Alors qu'au fond de leur cœur, ils ne l'acceptaient pas, ou ils n'y croyaient pas, ou qu'ils la détestaient, alaykoum salam wa rahmatullah. Et bien la raison de ça en fait, c'est parce qu'ils voulaient se protéger. Hein. Ils utilisaient la religion comme un bouclier, pour se protéger, hein, ou pour avoir quelque intérêt dans la dunya. Hein. Par exemple, le privilège par exemple de dire qu'ils sont avec les musulmans, ils peuvent faire du commerce avec les musulmans, ou ils peuvent se marier parmi les musulmans, ou ils peuvent vivre dans la société musulmane et avoir les mêmes privilèges que tous les musulmans. Et s'ils ne sont pas musulmans ou qu'ils rejettent ouvertement l'islam, ils ne pourront pas profiter de ces privilèges-là, alors ils préfèrent cacher leur mécréance et faire semblant qu'ils sont musulmans et pratiquer en apparence. alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils rejettent l'islam. Donc, يعني le cheikh ibn Wali, هذا حكم الله عليهم بكفرهم. C'est pour ça qu'Allah a jugé qu'ils sont des kuffars, les munafiqin. Et il a jugé également qu'ils seront dans les plus basses profondeurs de l'enfer. Non seulement ils vont être dans l'enfer, mais ils vont être dans les degrés les plus bas de l'enfer. Malgré qu'en apparence, ils pratiquent le Coran, ils pratiquent la Sunna. Mais étant donné qu'ils détestent dans leur cœur ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont parmi les kuffars et leur forme de kuffre ou leur degré de kuffre est parmi les plus graves formes de kuffre, les plus dangereuses, et leur châtiment est parmi les plus durs châtiments, parce puisqu'ils sont dans les plus grandes profondeurs, les profondeurs les plus basses de l'enfer. أما الكفار الأصليون، imaginez la scène يعني dans l'enfer quand les kuffars vont voir les munafiqins. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais vous étiez pas avec les musulmans, comment ça se fait? Vous êtes plus bas que nous maintenant dans l'enfer. Et les munafiqins vont répondre, ils vont dire ah, mais c'est parce que on faisait comme les musulmans, mais on croyait pas en l'islam. C'est ce qu'ils vont répondre. A'udhu billah. Donc le cheikh dit أما الكفار الأصليون فهم من الأصل يبغضون الرسالات والكتب قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من العادات والأحكام الجاهلية وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Donc le cheikh il dit par la suite, et il y a les munafiqin, ceux qui en apparence sont musulmans, qui détestent l'islam au fond de leur cœur, et il y a ceux qu'on appelle les kuffar al-asliyun, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans des familles de kuffars et qui ont grandi dans la mécréance, soit juifs, chrétiens, hindous, bouddhistes, athées ou autres religions, et qui n'ont jamais cru en l'islam. Ceux-là, à la base, ils détestent les messages et les livres qui sont révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on les appelle à suivre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils disent? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 104 dans Surah Al-Ma'idah, il dit, et lorsqu'on leur dit à ces gens-là, venez vers ce que Allah a révélé, et vers ce que le messager a dit, ou vers le messager, ils disent quoi? Ils disent, il nous suffit, ce que nous avons trouvé nos parents en train de faire, ça c'est suffisant pour nous. C'est-à-dire, on veut juste suivre ce que nos ancêtres ont suivi, pas plus que ça. Qu'est-ce que tu nous dis? Ça nous est égal. On suit ce que nos ancêtres ont suivi. Et ça, on trouve ça, même dans les pays musulmans déjà, quand tu les appelles à la Sunna et au Coran et tout, ils disent, non, on suit nos ancêtres. On suit nos parents, on suit nos grands-parents. On veut pas rien savoir de ce que tu nous amènes. Parce qu'ils pensent que ce qu'on leur amène est quelque chose de nouveau. Ils savent pas que c'est ça, en réalité, qui est la réalité de l'islam, qui vient du Coran et de la Sunna. Donc le cheikh il dit ce verset-là. Puis à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à cet argument-là des kuffars et des mushrikins, et il dit « أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ » C'est-à-dire, même si leurs parents ne savaient rien, ils étaient ignorants, ils n'étaient pas bien guidés, donc vous allez suivre vos parents et vos ancêtres, même s'ils étaient dans l'égarement, même si c'était des ignorants. Donc ça c'est complètement absurde. Donc yani, c'est des gens qui se basent sur leur tradition et sur les règles de l'ignorance qu'ils ont appris de leurs parents. Et ça, il y a plein de gens comme ça, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, des gens qui se basent sur leurs coutumes et leurs traditions au lieu de se retourner à la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite dans le verset 170, il mentionne un autre verset dans le même sens. Et lorsque tu leur dis, suivez ce qui est révélé d'Allah, ils disent, non, on suit ce qu'on a trouvé nos parents en train de suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond en disant, et même si vos, vos parents ne raisonnaient pas, et même s'ils n'étaient pas guidés. Hein. Donc ça montre en fait le danger de suivre aveuglément les parents. Et ça en même temps, ça nous montre qu'il y a une distinction, une différence entre al-kafir al-asli et al-kafir, comme les munafiqoun par exemple, ou bien al-murtadoun. Il y a une distinction, il y a un degré entre les deux. Les kuffars al-asliyoun, comme les juifs et les chrétiens par exemple, c'est des kuffars qu'on appelle asliyoun, c'est-à-dire ils sont des kuffars à la base. Tandis que les murtadoun, c'est des gens qui étaient musulmans, ou bien qui se disent musulmans, mais qui ont quitté la foi. Et les kuffars murtadoun, leur degré de kuffre est plus grave, est plus grand que les kuffars qui sont à la base kuffars. Et c'est pour ça qu'il y a des ulama qui ont dit par exemple que parmi les exemples dans les règles et les différences dans la dunya, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a permis à un musulman d'épouser une femme juive ou chrétienne, avec les conditions. Et il a permis également de manger la viande des juifs et des chrétiens si elle était gorgée. Okay. Et il a permis aussi que s'il paye la jizya, lorsqu'on est en situation de guerre, lorsque un dirigeant musulman déclare le djihad ou la guerre contre un pays des koufars, si les juifs et les chrétiens décident qu'ils ne veulent pas devenir musulmans et qu'ils sont prêts à payer la jizya, on n'a plus le droit de les combattre. C'est interdit de les combattre après ça. Donc, ça c'est des règles par rapport aux koufars, à l'asliyoun, les juifs et les chrétiens, ceux qui sont à la base koufars. Tandis que les murtadoun, ces règles-là ne s'appliquent pas avec eux. Ceux qui ont quitté l'islam, on n'a pas le droit de les marier, on n'a pas le droit de manger leur viande, et on n'a pas le droit de les laisser, par exemple, s'ils veulent payer la jizya, on dit non, on ne peut pas accepter la jizya, des gens comme vous. Donc c'est des exemples qui montrent que le degré de kufr des kuffars al-murtadoun est plus grand que le degré des kuffars al-asliyoun. Le chef il dit ensuite, فَالَّذِينَ يُبْغِضُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ عَلَى فَرِيقَيْنِ الفريق الأول الكفار الأصليون وهذه ما قالتهم والفريق الثاني الذين يدعون الإسلام وهم منافقون وقد تقدمت مقالتهم أما المؤمنون فإنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله ولهذا أو ولذلك قال تعالى عنهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون يقولون سمعنا وأطعنا لأنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجدون في أنفسهم حرجا من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي لا يجدون في أنفسهم وقلوبهم حرجا فلا يكتفون بالانقياد الظاهري بل ينقادون ظاهرا وباطنا ويحبون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فلا يعترضون على حكم الله ورسوله لأنهم يعلمون أنه الحق والعدل وأن عاقبته حميدة فهم لا يقدمون شيئا على حكم الله ورسوله ولو خالف أهواءهم ورغباتهم فهم يتركون آراءهم ورغباتهم ويقبلون حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون ما فيهما من الخير آجلا وعاجلا لشيخ الزي كدعوك Ceux qui détestent ce que Allah a révélé sont deux catégories. Alaykum salam rahmatullah. Il y a la première catégorie qui sont les kuffars, al-asliyoun, ceux qui sont à la base kuffars, comme on a mentionné. Il y a ceux qui sont, la deuxième catégorie, c'est ceux qui se disent musulmans et qui sont des munafiqins, comme on a expliqué. Maintenant, il y a la troisième catégorie par rapport à la révélation. Eux, ils ne détestent pas la révélation, ce sont les croyants. Ils aiment, au contraire, ils aiment tout ce qui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ceux qui croient donc en ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui est transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Allah dit à leur sujet, la parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, c'est de dire nous entendons et nous croyons, nous attendons et nous obéissons. Ceux-là sont les gens qui auront le succès, al-muflihoun. Ça c'est le verset 51 dans Sourate An-Nur. C'est ça la réponse des croyants. Si on les appelle à Allah et à son messager, hein, pour juger ben, n'importe quoi, ils disent oui, hein, on entend et on obéit, et ils s'y soumettent. Ça c'est l'attitude des vrais mu'minines. Et il dit ensuite, ils disent, le cheikh dit, ils disent on entend et on obéit, pourquoi? Parce qu'ils aiment ce qui est révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne trouvent en eux-mêmes aucune difficulté, aucun inconfort d'accepter le verdict et le jugement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vient de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit hier, yani, c'est pas comme les gens d'ici par exemple, les kuffars, s'ils vont faire face à la loi française ou la loi canadienne ou n'importe quelle autre loi. Ils vont subir la sentence qui est décrétée par le juge qui juge selon la loi faite par les hommes et ils vont être obligés de l'accepter même s'ils la détestent, hein, même s'ils la détestent. Tandis que pour un musulman qui fait face à un juge par exemple qui juge selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon le Coran et la Sunna, eh bien si le verdict est contre lui, il n'a pas le droit de le détester. Parce qu'il est croyant, il est musulman. Il est obligé de l'aimer, même si le verdict est contre lui. Et même si c'est contre lui, même si c'est lui qui est dans le tort. Il doit accepter la sentence et le verdict qui est décrété par Allah et par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il doit s'y soumettre, il doit s'y soumettre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Enfin, ça dit dans le verset 65, dans Surat An-Nisa, non par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris, toi, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme un juge, dans tout leur désaccord, dans toutes leurs disputes entre eux. Et qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucune insatisfaction, aucune difficulté, par rapport à ce que tu auras décrété comme jugement, et qu'ils se soumettent en entière soumission, en complète soumission. D'accord? Donc ça veut dire que le vrai mu'min, quand il fait face au verdict qui vient d'Allah et de son messager, son attitude c'est qu'il doit s'y soumettre et l'accepter, et être satisfait de ce verdict-là, et de s'y soumettre avec une entière soumission, hein, contrairement aux gens qui acceptent le verdict mais qui le détestent au fond de leur cœur. Le cheikh lui dit, ils ne trouvent dans eux-mêmes et dans leur cœur aucune difficulté et ils ne se limitent pas ou ils ne sont pas, disons, satisfaits de juste accepter de se soumettre en apparence à la sentence et au verdict, mais ils l'acceptent et ils se soumettent extérieurement et intérieurement dans leur cœur. Hein? Non seulement ils acceptent la sentence et le verdict extérieurement, yani, et qu'ils se soumettent physiquement ou à l'extérieur, mais même dans leur cœur, ils sont contents de ce verdict-là et ils l'aiment, ce verdict-là, et ils s'y soumettent en entière soumission. Et ça, on va voir des exemples de ça tout à l'heure, Inch'Allah, que le cheikh va mentionner des cas ou des exemples où la personne est mise à l'épreuve dans sa foi, s'il est vraiment croyant, vis-à-vis les lois et les règles qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فلا يعترضون. Donc les vrais croyants, ils ne s'opposent jamais à ce que Allah et son messager ont décrété. Car pourquoi? Parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que tout ce qui vient d'Allah et de son messager, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité et c'est la justice. Et que la conclusion de ce décret-là et de cette décision-là est glorieuse, yani, en fait louable, elle est bonne à la fin. Et donc, ils ne mettent rien au-devant du jugement d'Allah et du jugement de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est en contradiction avec leur désir, même si c'est en contradiction avec qu'est-ce qu'ils veulent eux et qu'est-ce qu'ils recherchent, hein, ils abandonnent leurs opinions personnelles et ce qu'ils désirent, et ils se soumettent et acceptent le verdict qui vient d'Allah et de son messager. Parce qu'ils savent que dans ce qui vient d'Allah et de son messager, il y a pour eux tout ce qui a le bien, tout ce qui est bon, dans cette vie et dans l'autre. Le cheikh dit, « هَؤُلَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِذَا بَلَغَهُمْ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ إذا بلغهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يريدون بهما بدلا أبدا ولا يؤثرون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي مصدر وأي حكم هذه هي صفة المؤمنين ولهذا تجدهم يحرصون ويقبلون على تعلم الكتاب والسنة ويتحملون التعب والمشقة لأنهم يحبون الكتاب والسنة ويألفون الكتاب والسنة ويحبون ويشتاقون إلى كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشد مما يشتاقون إلى الطعام والشراب لما في قلوبهم من المحبة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف المنافقين فإنهم ينفرون أو ينفرون من الكتاب والسنة وتعلمهما أو يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وينفرون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون هذه علامة على أنهم يبغضون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم Le chef il dit donc que ça c'est l'attitude des vrais croyants. Hein, l'attitude des vrais croyants, lorsque le verdict qui vient d'Allah et de son messager leur arrive, hein, leur vient, ils ne veulent rien pour prendre sa place. Ils ne cherchent rien en échange. Ils sont satisfaits. Hein, c'est comme par exemple, supposons qu'un musulman, il a un problème avec quelqu'un. Hein, Il y a plusieurs cas comme ça, des fois dans la dunya. Par exemple, quelqu'un qui a un problème avec sa femme, hein, il doit se divorcer, il a des enfants. Supposons que les enfants sont assez vieux, puis là, il doit se divorcer. Et il s'est divorcé. Puis là, il veut savoir qui va avoir la garde des enfants. Et la femme, elle est musulmane, croyante, et le mari est musulman, croyant. Maintenant, supposons que la femme, elle, c'est elle qui veut garder les enfants. Et là, lui, il veut garder les enfants, les deux veulent garder les enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent retourner au Coran et à Sunna pour trancher dans cette question selon qu'est-ce qu'Allah a décrété là-dessus, soit dans le Coran ou dans la Sunna. D'accord? Maintenant, si quelqu'un suit sa passion, hein, il sait le verdict de l'islam sur une question en particulier, et qu'il sait que s'il va voir un chef ou un savant de l'islam ou un juge, dans un pays musulman, il faut trancher entre les deux, il sait que c'est lui qui va gagner parce que dans la charia, c'est cette position-là qui est supportée. Hein. Donc s'il est un vrai mu'min, hein, il va accepter d'aller voir le juge qui va juger selon le Coran et la Sunna, même s'il sait que c'est lui qui perd, même s'il sait que le verdict va être contre lui. Maintenant, s'il a un problème dans sa foi, ou s'il suit ses passions, eh bien, peut-être qu'il va être tenté de dire, je vais aller voir dans la loi des kuffars. Et eux, ils vont décréter que c'est moi qui vais avoir le droit de les garder, et donc, comme ça, je vais pouvoir faire ce que je veux. Hein? Et donc, il va laisser tomber le verdict qui vient d'Allah et de son messager, et il va suivre ses passions. Hein, ça c'est un exemple. C'est un exemple, c'est un test en fait pour ta foi. Et dans une situation pareille, comme on a expliqué hier, il y a deux possibilités. Soit que la personne, elle fait ça, elle suit sa passion, hein, elle fait ça pour suivre sa passion, et elle sait que c'est pas correct qu'est-ce qu'elle fait, et donc dans ce cas-là c'est un kufr asra, hein, elle ne sort pas de l'islam, parce qu'elle a fait ça, mais c'est quand même un grand péché, parce qu'elle s'est détournée de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa passion, et sinon, Sinon, yani, si elle croit que la loi qui s'oppose à la charia est meilleure, et que, yani, ou bien qu'elle rejette complètement la loi qui vient d'Allah SWT dans cette question-là, alors là, on dira qu'elle a rejeté la foi à cause de ça, et qu'elle doit se repentir et revenir à l'islam. Donc ça, c'est un exemple de cas où on est comme testé dans notre foi vis-à-vis des décisions qu'on doit prendre dans nos vies, et c'est pour vous faire comprendre en même temps que c'est pas juste quelque chose qui a rapport avec les dirigeants puis les juges, non, même par rapport à nous-mêmes, comment on juge dans nos vies personnelles quand on a des décisions à prendre sur ces questions-là. Des fois, la passion prend le dessus sur notre raison et sur notre foi, puis nous aveugle complètement et nous empêche de prendre les bonnes décisions que Allah aime. Hein? Donc le cheikh il dit que la caractéristique des vrais croyants, c'est qu'ils placent au devant la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne préfèrent rien d'autre que ce qui vient d'Allah et de son messager. Hein? Aucune autre référence, aucun autre jugement. Ça, c'est l'attitude du vrai croyant. Hein? لهذا تجدهم يحرصون tu les vois. Donc le cheikh dit, donc c'est ça l'attitude des vrais mu'minines. Non, ils font des efforts. Non, ils font des efforts pour accepter le verdict qui vient d'Allah et de son messager, et pour apprendre le livre et la sunna, le Coran et la sunna, et ils font beaucoup, ils se fatiguent pour essayer de partir puis d'aller étudier le Coran et la Sunna, parce qu'ils aiment le Coran et la Sunna. Si vous regardez par exemple les efforts des savants de l'islam, comment ils ont enduré toutes sortes de difficultés pour aller apprendre le Coran et la Sunna, parfois même juste un seul hadith, ils ont fait des voyages qui ont duré des mois pour avoir un seul hadith. Hein? Et donc ça, c'est des exemples comment les gens ont fait des efforts et ont passé à travers toutes sortes d'épreuves et de difficultés quand ils ont aimé le Coran et la Sunna dans le but de les apprendre et de les appliquer. Donc ils aiment le Coran et la Sunna, et ils ont une affection très forte pour le Coran et la Sunna, et ils préfèrent même, et ils ont un amour pour le Coran et la Sunna plus grand que l'amour qu'ils ont pour la nourriture et pour qu'est-ce qu'ils boivent et qu'est-ce qu'ils mangent, et pour tout ce qui est d'autre de la dunya. C'est-à-dire ils aiment la connaissance du Coran et de la Sunna plus que tous les plaisirs de ce monde. Ça, c'est à quel point ils aiment le Coran et la Sunna. Et donc ça, c'est par opposition aux hypocrites. Hein. Les hypocrites, eux, c'est le contraire. Ils s'enfuient du Coran et de la Sunna, et ils s'enfuient de l'étude et de l'apprentissage du Coran et de la Sunna, et ils lisent ou ils récitent le Coran uniquement avec leur langue, hein, et ils s'enfuient de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit tout à l'heure, alaykum salam wa rahmatullah, ra'ayta al-munafiqina, hein, tu vois les munafiqines qui se détournent de toi. Et dans un autre verset, et lorsqu'on les appelle, les munafiqin, pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, tu les vois relever la tête, hein, par orgueil, et tu les vois se détourner en arrogance et avec fierté et orgueil. Hein. Donc ça, c'est l'attitude, hein, et le signe que ces gens-là détestent le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh dit, voilà farq, hein, comme à Zakarna. Il n'y a pas de différence, comme on a déjà mentionné. Parce qu'il y a des gens comme ça, aujourd'hui, Allah Musta'an, on va donner des exemples de ça. Mais il y a des gens comme ça, il y en a qui croient qu'ils sont au-dessus de la révélation. Voilà farq, comme à Zakarna, bayna kitabullah. Bayna kitabullah, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, li annahuma min indillah. Wa innama yufarraq bayna al-Qur'an wa sunnah. أهل الضلال الذين يقولون لا نقبل إلا القرآن لأن القرآن لا يتطرق نقله احتمال أو شك خلاف السنة فإنه يتطرق إلى أسانيدها الشك عندهم أما عند المسلمين فإنه لا يتطرق إليها الشك لأنها من رواية الثقات الأثبات الحفاظ الذين نقلوها بأمانة فهم لا يشكون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من عند الله عز وجل أما أهل النفاق والذين في قلوبهم نقص إيمان كالخوارج والمعتزلة وسائر الطوائف فإنهم يشكون في السنة ويبغضون وبعضهم يشك في أحاديث الأحاد وبعضهم يشك في السنة كلها ولا يرى لها مكانة يقول أو يقولون يكفينا القرآن وبعضهم يشك في بعض السنة فيقول لا نقبل إلا المتواتر من السنة ويردون أخبار الآحاد ويقولون إنها تفيد الظن أما أهل الحق فإنهم يقولون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم واليقين ويحتجون به في العقائد والعبادات والمعاملات لأنهم لا يشكون فيه أما أهل الضلال فإنهم يقولون إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد لأنها تفيد الظن بزعمهم والعقائد تبنى على اليقين. Le cheikh il dit, et il n'y a pas de distinction à faire dans ce qu'on a mentionné entre le Coran et la Sunna. Parce que tous les deux viennent d'Allah. Hein, tous les deux, le Coran et la Sunna viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'y a pas de distinction à faire entre le Coran et la Sunna. Toutefois, les gens de l'égarement, eux, ils disent, nous n'acceptons que le Coran. Comme ceux qu'on appelle aujourd'hui Al-Qur'aniyoun. Ceux qui croient juste au Coran et qui rejettent la Sunna. Ou bien ils disent, yani, on n'accepte que ce qui est dans le Coran parce que le Coran il a été rapporté d'une façon qui n'implique aucun doute et aucune supposition, tandis que la Sunna, soi-disant selon eux, elle peut avoir, il peut y avoir des doutes au sujet de ces chaînes de transmission. Le cheikh il dit ça, c'est ce que ces gens-là disent. Mais pour les musulmans, il n'y a aucun doute au sujet des hadiths qui ont été rapportés par des gens fiables et par les mémorisateurs et les transmetteurs de la Sunna qui l'ont transmis avec toute honnêteté et toute fiabilité. Et ils, donc eux, les gens de la Sunna, n'ont pas de doute au sujet des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, car elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens de l'hypocrisie et ceux qui ont dans leur cœur, qui ont une faiblesse de foi dans leur cœur, eh bien, eux, ils ont bien entendu des doutes au sujet de la Sunna, comme les Khawarij, comme les Mu'tazila, et comme les autres groupes de Bid'a. Et c'est ça ce qui distingue les gens de la Sunna. Pourquoi on appelle les gens qui suivent la voie, on les appelle Ahl Sunna? C'est parce que c'est des gens qui sont basés sur la Sunna, contrairement aux gens de Bid'a, qui rejettent la Sunna, soit partiellement ou entièrement. Donc c'est ça la différence. Donc Ahl Sunnah wal Jama'a, ils acceptent la Sunnah et ils n'ont pas de doute en la Sunnah qui est authentique et qui est rapportée de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh dit, il y en a certains parmi les gens de Bid'a qui rejettent les hadiths qu'on appelle ahad. Les hadiths ahad, c'est les hadiths qui sont rapportés par un petit nombre de personnes, par peu de narrateurs. Et le Cheikh dit, بعضهم يشك في السنة كلها. Il y en a d'autres qui doutent en la Sunna au complet, et qui ne voient aucune importance à la Sunna. Ils disent le Coran nous suffit. Et le Cheikh il dit, et il y en a d'autres qui doutent en une partie de la Sunna, et ils disent on accepte uniquement ce qui est mutawatir de la Sunna. Qu'est-ce que ça veut dire mutawatir? Ça veut dire qu'est-ce qui est rapporté par un nombre tellement grand que personne ne peut dire que c'est faux. Parce que c'est un nombre immense de personnes. Et ils rejettent les hadiths qui sont ahad, c'est-à-dire qui sont rapportés par un petit nombre de personnes, et ils disent que les hadiths qui sont ahad, ils ne servent pas à amener la certitude, c'est-à-dire ils ne peuvent pas amener la certitude. Et le cheikh il dit, tandis que les gens de la sunna, ahl sunna, et les gens de la vérité, ahl al-haq, eux ils disent quoi? Ils disent tout ce qui est authentique de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit mutawatir ou que ce soit ahad, alors ça amène la science, la connaissance et la certitude, et on peut l'utiliser et on doit l'utiliser comme preuve dans toutes les questions qui ont rapport avec l'islam, que ce soit les croyances, les pratiques et les choses qui ont rapport avec les interactions de la vie de tous les jours. Quand ça fait partie des règles de la charia, on peut utiliser ces références-là de la sunna de toutes les, dans toutes ces choses-là sans avoir aucun doute. Hein? Ça c'est la position de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Tout hadith sahih, on l'utilise comme preuve et comme référence et elle sert comme preuve et c'est une forme de connaissance et de science dans l'islam et elle amène au cœur, dans le cœur la certitude également parce que c'est authentique. Toutefois, les gens de l'égarement, eux, ils disent non, les ahadith, ahad, on les utilise pas dans les questions de croyance, hein, parce que selon eux, elles sont pas basées sur la certitude, comme ils le prétendent. Et ils disent qu'on doit uniquement établir et baser la croyance sur une certitude. Le cheikh dit, « ومن العجائب أنهم يبنون عقائدهم على علم الكلام وعلم المنطق ويقولون إنهما يفيدان اليقين وكلام الله لا يفيد اليقين عندهم والسنة لا تفيد اليقين عندهم فهذا من الضلال والانتكاس. Le cheikh il explique, il dit que c'est étonnant de voir ces gens-là qui prétendent que la sunna qui est ahad, elle ne donne pas la certitude aux gens dans les questions de croyance, alors que eux ils basent leur croyance sur qu'est-ce qu'on appelle ilm al-kalam et ilm al-mantiq, c'est-à-dire la sémantique et la philosophie. Hein, ils se basent sur la philosophie et sur la sémantique et ils disent que c'est ça la base de la certitude. Hein. Et donc le cheikh il dit que yani, pour eux, c'est ça qui est la certitude, la philosophie, puis la sémantique, puis tous ces trucs-là. Toutefois, la parole d'Allah, elle ne donne pas la certitude. Hein. Pour eux, la parole d'Allah ne donne pas la certitude. Hein. Et ils doutent en la sunna et ils disent qu'ils acceptent uniquement ce qui est mutawatir. Hein. Donc, le cheikh dit que ça c'est l'égarement et c'est ça l'intikas. Et le cheikh il dit, en ce qui concerne les gens de Ahlus Sunnah, ils disent « Amma Ahlus Sunnah wal haq fa yakouloun ma sahhanin Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yufidu liyaqin wal ilm » ويحتج به في العقائد والعبادات والمعاملات لا فرق في ذلك هذه طريقة أهل السنة والجماعة. Donc les gens de la vérité et les gens de la sunna disent tout ce qui est authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous donne la certitude et ça nous donne la science, la connaissance et on doit les utiliser comme preuve dans les questions de croyance, dans les adorations et dans les choses qui ont rapport avec les interactions entre les hommes dans la charia et il n'y a pas de distinction entre ces choses-là. Hein. Et donc, ça c'est très important de comprendre ces points-là. Et les ulama, depuis l'époque des sahaba, des tabi'in et des tabi'i tabi'in, ils se sont basés sur la sunna qui est rapportée de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ces choses-là, et ils n'ont jamais fait aucune distinction dans ces choses-là entre ce qui est mutawatir et ahad. Ceux qui ont ramené ces terminologies-là de mutawatir et de ahad, c'est apparu à l'époque des Mu'tazila, la secte des Mu'tazila. C'est eux qui ont inventé ces termes et qui ont distingué entre ces choses-là et qui ont fait une distinction entre les deux pour essayer justement de limiter l'application des textes qui ont rapport avec la croyance, les textes qui sont rapportés au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'ils voulaient se donner la possibilité, une possibilité plus grande de pouvoir jouer avec la croyance des musulmans et rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils ont trouvé cette méthode de distinguer entre les hadiths soi-disant mutawatir et ce qui est ahad, et puis par la suite d'essayer de dire ce qui est ahad, on ne l'utilise pas dans les croyances, et par la suite de se permettre de pouvoir jouer avec de se permettre de pouvoir jouer avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les nier. Le cheikh dit, wal hasil, parce que pour eux, c'est la base de la aqida, c'est la raison. Qu'est-ce qu'ils prétendent être la raison et la philosophie. Et en réalité, c'est pas la raison, mais plutôt leur passion qu'ils suivent et ils prétendent que c'est la raison. Le cheikh dit, wal hasil, anna alladhi يكون في قلبه بغض لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا دليل على نفاقه وعدم إيمانه وإن كان يدعي الإيمان وإن كان يعمل بهذه الأحاديث ظاهرا ما دام أنه يبغضها بقلبه فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام وفي هذه الآية الدليل على ذلك قال سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وفي آية في آخر السورة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم هذا هو السبب وهو ناقض من نواقض الإسلام وأن يبغض الإنسان شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم Donc, pour conclure et pour résumer tout ce qu'on vient d'expliquer, le cheikh il dit que la personne qui a dans son cœur quelque chose de haine ou de qui déteste quelque chose de ce qui vient d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça c'est la preuve de son nifaq, de son hypocrisie, et qu'il n'a pas de foi, même s'il prétend avoir la foi, et même si il agit selon ces hadiths-là en apparence, tant qu'il les déteste dans son cœur, eh ben il a fait quelque chose ou il a fait quelque chose parmi les points de ce qui amène l'islam d'une personne. Et donc le verset 8 et 9 dans sourate Muhammad sont des preuves à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ceux qui ont mécru alors malheur à eux et yani Allah subhanahu wa ta'ala a égaré leurs actions pourquoi parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a fait révéler et donc Allah a rendu leurs œuvres vaines parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé et dans l'autre verset dans sourate Muhammad encore le verset 28 Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ça c'est parce qu'ils ont suivi ce qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont détesté ce qui a fait son agrément ou ce qui amène son agrément alors Allah a rendu leurs œuvres vaines ils ont aimé ils ont suivi ce qui amène la colère d'Allah et ils ont détesté ce qui amène l'agrément d'Allah alors Allah a rendu leurs œuvres vaines et ça c'est la cause donc ça fait partie des choses qui annulent l'islam d'une personne lorsqu'une personne déteste quelque chose qui a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu shay'an ya'ni annahu laysa laziman an yubghida kulla ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, walakin law abghada shay'an minhu ka ba'd al-ahadith as-sahiha as-sabita fa innahu yuhbitu 'amaluhu wa yantaqidu islamah. Wan-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta yakun هواه تبعا لما جئت به والحديث صححه أنه الإمام النووي في الأربعين وتكلم عليه بعض العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله ولكن تشهد له الآية ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم فلم يكن هواهم تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك أحبط الله أعمالهم فالآية تشهد للحديث Le cheikh dit, et la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab quand il dit Shay'an, c'est-à-dire qu'ils ont détesté une chose quelconque, une chose indéfinie, ça peut être n'importe quoi, c'est pas obligatoire qu'ils détestent tout, mais s'ils détestent une parmi les choses qui est amenée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça suffit, et le cheikh il dit donc, quiconque déteste quoi que ce soit de ce qui a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple qu'il déteste certains hadiths qui sont authentiques, qui sont rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors son œuvre est vaine et ça détruit son islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cheikh il mentionne ce hadith dont l'authenticité n'est pas établie, c'est-à-dire ce hadith-là, il y a des ulama qui ont mentionné que ce hadith n'est pas authentique, mais sa signification elle est vraie. Sa signification elle est vraie parce qu'elle est supportée par des versets dans le Coran et par d'autres hadiths également. Et ce hadith ça dit quoi? Ça dit personne d'entre vous ne sera croyant tant que sa passion sera en accord avec ce que j'ai amené. Hein, tant que ça, ce qu'il aime est en accord avec ce que j'ai amené. Donc ça veut dire que si tu es un vrai croyant, il faut que tu aimes ce qui a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est supporté par le verset qu'on a mentionné. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَارِهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Allah a rendu leurs œuvres vaines parce qu'ils ont suivi ce qui amène la colère d'Allah et ils ont détesté ce qui amène son agrément. Et donc Allah a rendu leurs œuvres vaines à cause de ça. Donc leur passion ou ce qu'ils aiment n'est pas en accord avec ce que le prophète a amené, et donc à cause de ça Allah a détruit leurs actions ou rendu leurs actions nulles. Et ça supporte, ce verset donc supporte ce hadith. وفي وقتنا الحاضر كثر من يكره السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم وما يشتهونه، ومن ذلك مسائل المعاملات مثل الربا الذي فشى في الناس اليوم، فإذا قلت لهم هذا ربا والله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم الربا تجد عندهم تكرها وتبرما من ذلك، وإن كانوا لا يصرحون أو بعضهم يصرح فيكرهون ذلك ويتبرمون ويقولون العالم كله على هذا، هذا اقتصاد عالمي، أنتم تخالفون العالم، فهذه ردة عن دين الإسلام إذا كره النصوص التي تحرم الربا والقمار والميسر والمعاملات المخالفة للأدلة، فإذا وجد في نفسه شيئا من كراهة تحريمها فإن الله يحبط عمله حتى ولو كان يعمل بها ظاهرا، فالخطر شديد على المسلم إذا أن يتفقد نفسه ويحفظ لسانه، وعلى المسلم أن يتفقد نفسه ويحفظ لسانه وأن يدور مع الحق أينما دار ولا يدور مع هواه وشهوته. Le Cheikh explique, il dit qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup de questions, beaucoup de sujets et des choses qui sont rapportées dans la Sunna, qui sont authentiques par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont authentiques et qui vont en contradiction avec les désirs et les passions de certaines personnes. Et donc ils commencent à se mettre à détester des choses qui font partie de la religion, à cause que c'est en désaccord ou en contradiction avec leur passion. Et le cheikh, il dit que parmi ces questions-là, il y a les exemples des transactions qui ont rapport avec le riba, les intérêts. Et donc le cheikh, il dit que ça c'est quelque chose qui est répandu maintenant parmi les gens, le riba. Hein, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, tu trouves le riba partout. Donc le cheikh, il dit que si tu dis à certaines personnes que Allah et son messager ont interdit al-riba, ils ont interdit l'intérêt, eh ben il y en a parmi les gens qui détestent qu'on mentionne l'interdiction du riba. Ça les met en colère, ça les met en colère d'entendre quelqu'un mentionner l'interdiction de al-riba. Et quand on mentionne les hadiths et les ayats au sujet de l'interdiction du riba, ils se fâchent, ils détestent ça. Et ils disent, il y en a qui le disent ouvertement, il y en a qui ne le disent pas directement, sauf qu'ils disent par exemple, le monde entier est là-dessus, c'est-à-dire le monde entier fonctionne avec le riba maintenant, et c'est un système international qui est mondial, donc comment vous pouvez contredire ce système qui est établi maintenant dans le monde, hein. Le cheikh dit que ça c'est une forme d'apostasie de l'islam, de détester les textes qui interdisent al-riba et qui interdisent al-qimar ou al-maysir, c'est-à-dire les jeux de hasard, la loterie, les jeux de hasard et toutes ces choses-là. Il y en a qui détestent l'interdiction de ces choses-là. Ils disent, mais pourquoi c'est interdit? Pourquoi Allah interdit ces choses-là? Hein? Ça, c'est des exemples. Donc, toute transaction qui est interdite par le Coran et par la Sunna, si quelqu'un, lorsqu'il entend ces interdictions-là, il le déteste, eh ben, ou qu'il trouve en lui-même de la haine, et du dédain ou du rejet pour ces règles-là, alors en fait c'est c'est parce que, en fait, Allah annule ses actions et il a détruit sa foi s'il déteste ces choses-là, même si en apparence il les applique. Et donc c'est très dangereux, c'est très dangereux. Et un musulman doit faire attention justement de se protéger, de se garder lui-même de ces choses-là et de protéger et de garder sa langue, de ne pas prononcer des paroles de ce genre, hein, pour justement éviter de sortir de l'islam. Et le musulman doit tourner, c'est-à-dire dans le sens que il doit aller dans le sens de la vérité, peu importe où la vérité l'amène. Et il ne doit pas aller dans le sens de ses passions et de ses désirs. Hein, tu dois te tourner vers la vérité, peu importe où la vérité t'amène. D'accord? Et non pas suivre tes passions. Et il donne un autre exemple. Il dit, wa fi qadaya al-mar'a, lamma kana l'islam qad wada'a dawabit lil-mar'a, tukhalifu ma alayhi al-mar'a fi umam al-kufr wal-ibahiyya, صار كثير ممن يدعون الإسلام يكرهون الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء أو بالمرأة، ومن ذلك مناداتهم بمساواة المرأة بالرجل في الميراث والأعمال وفيما هو من خصائص الرجال، ولا يريدون أن يكون بين الرجل والمرأة فرق أو فارق أبدا، لأن الغرب صووا النساء مع الرجال وقدموا النساء على الرجال، فهم يريدون أن يلحقوا بركب الغرب الكفرة، ولا يريدون أن يتميز النساء عن الرجال فيما يخص النساء، ولا يريدون أن يكون ميراثها نصف ميراث الرجل، ولا يريدون أن تكون ديتها نصف دية الرجل، ولا يرضون أن تكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل كما جاء به الشرع المطهر، والله خلق المرأة والرجل وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يليق بالرجل والمرأة. Le Cheikh dit que, comme exemple de ça, il y a les questions de tout ce qui a rapport avec la femme dans l'islam. Vous trouvez beaucoup de gens aujourd'hui qui détestent les textes du Coran et de la Sunna qui traitent de ce sujet. Et le Cheikh il dit que l'islam a établi des règles en ce qui concerne la femme qui sont en contradiction avec la façon dont vivent les femmes dans les nations des Kuffar et les nations yani libertines aujourd'hui qui suivent leurs passions et qui se permettent tout et qui rendent tout halal. Et il y a parmi des gens qui se disent musulmans qui appellent, hein, des gens qui se disent musulmans qui détestent les règles de la charia qui ont rapport avec la femme et qui appellent à établir l'égalité totale entre l'homme et la femme dans ce qui a rapport avec les relations et les règles de l'islam. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut annuler les règles de la charia qui ont rapport avec la femme. Et ils appellent par exemple à établir une égalité totale entre l'homme et la femme dans l'héritage et dans le travail et dans tout ce qui a rapport aux choses qui sont particulières à l'homme. Et ils ne veulent pas qu'il y ait aucune distinction entre l'homme et la femme dans l'islam. Hein? Ils veulent que l'homme et la femme soient pareils et égales. Dans tout. Sans exception. Hein? Et donc, ils veulent que l'homme et que la femme soient égales. Et Allah Musta'an, il y a même maintenant des féministes, soi-disant musulmanes. Hein? Des groupes de musulmanes qui se disent féministes et qui appellent à ce qu'ils appellent le féminisme. Hein? Et qui déforment et qui appellent à déformer la charia et les règles de la charia pour suivre leurs passions et leurs désirs. Hein. Donc chaque fois qu'ils vont trouver dans le Coran et dans la Sunna des choses qui indiquent qu'il y a une distinction entre l'homme et la femme dans les règles, ils essaient de le déformer et de changer sa signification pour que ce soit en accord avec le système que les koufars ont établi dans leur pays. Hein. Parce qu'ils ont un complexe d'infériorité par rapport à l'Occident. Hein. Et il faut comprendre que le système qui est établi maintenant chez les koufars, soi-disant d'égalité entre l'homme et la femme, ça fait pas longtemps qu'il est établi. Hein? Depuis quelques, ça fait même pas 100 ans que ça existe en Occident. Quand je dis 100 ans, ça fait moins que ça. Hein? Et avant ça, c'était la façon dont il séparait, il distinguait dans les règles entre l'homme et la femme. Et allez, c'était connu, c'était quelque chose de, répandu dans leur société. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Et à l'école, il y avait la séparation entre les hommes et les femmes, et dans la société, il y avait des règles qui étaient différentes pour les hommes et les femmes, parfois même qui amenaient beaucoup plus d'injustice à la femme que, par rapport à l'homme, et même à l'homme aussi, dans leur société. Ça, c'était comme ça. Il y avait beaucoup d'injustice envers l'homme et beaucoup d'injustice envers la femme. Et maintenant, soi-disant, ils ont voulu amener un peu plus de justice à la femme, sauf qu'ils ont fait le contraire. Ils sont partis d'un extrême, ils sont allés à l'autre extrême complet. Et donc, ils ont cru qu'en donnant toute la part qui revient à l'homme, ils la donnent à la femme, et donc ils ont dépassé la limite et ils sont tombés dans l'autre extrême. Donc, dans l'islam, alhamdoulilah, notre position à ce sujet-là, c'est, elle est claire et elle est simple. Elle est claire et elle est simple et elle est en accord avec la réalité et la révélation. C'est que dans l'islam, l'homme, Allah a créé l'homme et la femme et il a créé la femme d'une façon, il a créé l'homme d'une façon, il a donné à la femme un rôle qui est en accord avec sa création et avec ses caractéristiques, et à l'homme il a donné un rôle qui est en accord à sa création et à ses caractéristiques. La femme, elle doit pas essayer de prendre la place de l'homme et le rôle de l'homme, et l'homme doit pas essayer de prendre la place et le rôle de la femme. Chacun a sa place, hein. Et donc, Allah, il a créé la société de cette façon. Et même dans les règles de la religion, on voit que tout est influencé par rapport à ça. Dans les rôles et les devoirs que la femme a, et les rôles et les responsabilités et les devoirs que l'homme a. L'homme, c'est le chef de la famille. Il doit pourvoir aux besoins de sa femme, hein, et il doit travailler, c'est à lui de subvenir aux besoins de la femme. Tandis que la femme, elle n'a rien à dépenser de son argent pour qu'est-ce qui a rapport à la maison, la nourriture, les vêtements, tout ça, c'est l'homme qui est obligé de lui donner ça. Même si elle est riche, puis l'homme, lui, il est pauvre, ou bien qu'il a moins d'argent, c'est l'homme, toujours l'homme qui doit payer ces choses-là pour sa femme, et qui est responsable de sa femme et de ses enfants. Hein? Tandis que chez les koufars, non. La femme et l'homme, les deux sont soi-disant égaux là-dedans. Hein? Et ils doivent tous les deux dépenser. Alors, ça c'est des exemples de distinction. Et donc, en tout cas, de toute façon, Allah, nous dans notre religion, la façon dont Allah a établi les choses, c'est que tout ce qu'il y a dans la vie, la façon dont on établit et qu'on tout ce qui a rapport avec notre existence et notre vie, on retourne au Coran et à la Sunna pour déterminer comment on vit, pas à d'autres choses que ça. Et donc, si on suit ces règles-là, on n'aura pas de problème. Maintenant, c'est les exemples comme par rapport à l'héritage, ou par rapport à le mahr ou la diya, ou tous les autres aspects qui ont rapport avec l'islam, qui montrent qu'il y a une distinction entre l'homme et la femme, par exemple, le fait que la femme a la moitié de l'héritage de l'homme, tout ça c'est parce que dans l'islam, la société est établie de sorte que c'est l'homme qui est responsable de la femme, et c'est lui qui doit dépenser pour la femme. Et c'est pour ça que la femme a une part plus petite de l'héritage que celle de l'homme, d'accord. Et il y en a parmi les soi-disant islamistes aujourd'hui qui disent non, il faut changer ça parce que aujourd'hui, étant donné que la femme travaille comme l'homme, donc elle devrait recevoir égale, une part égale de l'héritage, hein. Et ça, c'est leur raisonnement. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité? Ils veulent dire que si la société change, il faut changer la loi d'Allah. Et nous, on leur répond à ces gens-là, on dit non. Si la société change et qu'elle s'éloigne de la loi d'Allah, il faut ramener la société pour qu'elle soit dans les limites de ce que Allah a ordonné. Et pas changer ou déformer la réalité de la charia pour qu'elle soit en accord avec ce que les passions des êtres humains ont décidé, hein. Parce que les hommes se sont éloignés de la loi d'Allah et ils ont suivi leurs passions et ils se sont dirigés vers l'égarement, et eux, ils veulent que la charia supporte et défende l'égarement dans laquelle la société a décidé de se diriger. Et ça, c'est une erreur. Donc, le cheikh explique, il dit que l'Occident ont fait une égalité entre l'homme et la femme, et ils ont mis même la femme au devant de l'homme dans plusieurs choses, et ils veulent que les musulmans les rejoignent sur cette voie de l'Occident mécréant. Toutefois, hein, le cheikh dit, ils veulent pas qu'on distingue entre les hommes et les femmes dans les règles qui sont particulières à la femme, et ils veulent que l'héritage soit pas la moitié l'héritage de la femme ne soit pas la moitié de celle de l'homme. Et ils ne veulent pas que la dhiya soit, la dhiya de la femme soit la moitié de celle de l'homme. Et ils ne sont pas satisfaits que le témoignage de la femme soit considéré la moitié du témoignage de l'homme. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont rapportées dans la charia. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'homme et la femme, et c'est lui qui connaît mieux tout ce qui a rapport, ou tout ce qui se rapporte aux hommes et aux femmes, parce que c'est lui le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir » Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le doux et le bien informé, celui qui a la connaissance de tout. Alors, pensez-vous pas que lui connaît mieux sa création que les créatures eux-mêmes? Et donc, si tu es vraiment croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, tu te soumets à ça. Le cheikh, il donne d'autres exemples. Il dit, وَمِنْ ذَلِكَ الْحَمَلَةُ الشَّنِيعَةُ الْحَمَلَةُ الشَّنِيعَةُ عَلَى الْحِجَابِ وَالتَّنْدِيدِ بِهِ وَبِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ الَّتِي جَاءَتْ بِالْحِجَابِ وَإِنْ اسْتَطَاعُوا تَضْعِيفَهَا لَمْ يَأْتُوا جُهْدًا ولما لم يستطيعوا ذلك راحوا يؤولونها ويفسرونها على غير تفسيرها وعلى غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه هي الأمور التي حدثت الآن في المجتمع وظهرت في المقالات في مقالاتهم ومجادلاتهم ومحاوراتهم لا يريدون أن يفرقوا بين ما فرق الله والله تعالى فرق بين المؤمنين والكفار وفرق بين المؤمنين واليهود والنصارى وهم يقولون لا فرق بين المؤمنين واليهود والنصارى وكلهم مؤمنون عندهم donc le cheikh dit qu'il y a un exemple aussi, l'exemple du hijab. Comment ces gens-là attaquent le hijab dans l'islam? Ces gens-là qui se disent musulmans, qui commencent à attaquer le hijab et qui commencent à dire que c'est pas obligatoire dans l'islam et qu'ils essaient de nier les textes qui se rapportent à ça, et bien entendu ils sont pas capables de nier les textes qui se rapportent au hijab, alors ils essaient de les déformer et de changer leur interprétation et ils le détournent de leur sens. Et le cheikh dit, n'est-ce pas là un exemple de quelqu'un qui déteste ce qu'Allah et son messager ont révélé, ou que ce qu'Allah et son messager ont décrété comme jugement. Donc, ça fait partie des choses qui apparaissent dans les sociétés maintenant, dans les sociétés musulmanes. Vous voyez des gens qui font des débats sur cette question, sur la question du hijab, comme si c'était quelque chose de nouveau, comme si c'était pas quelque chose de connu depuis des siècles dans l'islam, et que les femmes ont connu depuis des siècles. Donc ils font tout pour combattre le hijab. Et ils ne veulent pas distinguer entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a distingué, comme par exemple entre le croyant et le non-croyant, entre le musulman et le juif, et le chrétien. Et ils disent, il n'y a pas de différence entre les musulmans, les juifs et les chrétiens, ils sont tous croyants. Le cheikh dit, « وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَ أَهْلُ كِتَابٍ لهم أحكام خاصة ولكن لا يسوون بالمؤمنين ولا يسوى دين النصارى واليهود بدين الإسلام دين الإسلام هو الحق وحده فلا يسوى به دين اليهود فلا يسوى به دين اليهود والنصارى وإن كانوا لهم أحكام خاصة يمتازون به على الكفرة الآخرين ولكن ليس معنى هذا أن نسوي دينهم بدين الإسلام فمن سوى دين اليهود والنصارى بدين الإسلام فهو كافر. Le cheikh il dit que les juifs, les chrétiens sont des gens du livre. Et c'est vrai que par rapport aux autres religions, aux gens qui suivent d'autres religions, ils ont des règles particulières par rapport aux autres. Il y a des règles par rapport aux juifs et aux chrétiens qui sont différentes que ce qui s'applique pour les autres gens qui suivent d'autres croyances comme les bouddhistes et les hindous et les athées, Mais le fait que Allah a déterminé des règles différentes, comme par exemple qu'on a le droit d'épouser des femmes chrétiennes, ou qu'on a le droit de manger leur viande, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des koufars, ou que leur religion est bonne, ou qu'ils sont des croyants, ça ne veut pas dire ça. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on peut mettre à égalité leur religion et la religion de l'islam. Il dit quiconque met à égalité la religion des juifs et la religion des chrétiens, alors avec l'islam, donc il est mécréant, il est kafir. Parce que l'islam c'est la seule religion qui est sur la vérité, tandis que leur religion est sur l'égarement. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on va prendre une petite pause, puis on continue après, Inch'Allah. SubhanAllah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.